Osmose Radio. Osmose. La web radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres. Sur Osmose Radio. Oh ouais, c'est super, je collectionne les bières. Oh ouais, c'est super, je les ai presque toutes. Oh ouais, c'est super, il m'en manque qu'une. Oh ouais, c'est super, c'est la grise. Cachée dans les poubelles, les gens parlent pas beaucoup. Mais des fois je sors, mais les gens parlent pas beaucoup. Les gens disent que je suis malade, qu'on devrait m'enfermer. Mais moi j'aime bien les gens, et j'aime bien m'enfermer. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Oh ouais, c'est super, tu collectionnes les cheveux. Oh ouais, c'est super, je les ai presque tous. Oh ouais, c'est super, il m'en manque que un. Oh ouais, c'est super, c'est un gris. L'autre jour pendant la nuit, j'ai fait la cuisine. J'ai préparé mon plat favori, c'était du glaçon. Mes copains, ils étaient pas venus, mais bon, c'est tant mieux. Mes copains, c'est des allume-gaz, alors ils auraient fait peur au glaçon. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Oh ouais, c'est super, je collectionne les matières. Oh ouais, c'est super, je les ai presque toutes. Oh ouais, c'est super, il m'en manque qu'une. Oh ouais, c'est super, c'est la grise. Des fois je me balade, mais après j'arrête. Je me suis assez baladé, alors après je fais rien. Alors je joue à courir après mon ombre. Et je cours très vite pour pas que je me rattrape. La voix elle me dit schizophrène, schizophrène, schizophrène, schizophrène. Tu vas trop vite, schizophrène, schizophrène. Tu vas trop vite, schizophrène, schizophrène. Tu vas dans le mur, dans mes bras des petits chats. Je leur parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Dans mes bras des petits chats, je leur parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Comme un psychopathe, je mange des pâtes. Comme un déséquilibré, je mange déséquilibré. Mais j'ai plus d'amis parce que j'ai mangé mon pot au feu. Des schizophrènes, des psychopathes et vous, mes petits loups, décidément, on est bien accompagnés sur Osmose Radio où vous nous rejoignez à l'instant dans l'heure du loup. Soyez les bienvenus dans cette playlist un petit peu particulière ce soir, puisque ce week-end c'était le 1er avril et par conséquent, ce soir, je vous fais ma playlist traditionnelle Poisson d'avril. Comme à l'accoutumée, ce sera la playlist la plus pourrie de l'année. Voilà, je vous préviens en intro, je vous préviens après ce premier morceau, les Fatal Picard et le titre Schizophrène, qui était gentiment folle dingue. Et on va continuer, puisque je me dis que vous êtes en ce moment, c'est l'heure de l'apéro, que vous êtes attablé en terrasse avec une bière, et bien justement, il sera question de bière dans le morceau qui suit, tout de suite IAM avec le titre La Mousse à Riton. Il était accoudé à une barrière en bois, j'ai dit viens Riton, on va faire une valse star. Allez viens Riton, on va faire une Valstar. Pour boire de la Valstar, pas besoin de troquer 350 et on l'ouvre avec le briquet. Allez viens Gégène, on va faire une Valstar. Allez, allez viens Gégène, on va faire une Valstar. Allez viens quoi, sois sympa et puis si on n'a pas on se tapera une Kronenpils. Allez viens Gégène, allez Riton, on va faire une Valstar. On va se faire une Valstar, disait à l'instant IAM dans cette parodie de Renaud en fait, qu'ils avaient fait sur l'album Ombre et Lumière au mi-temps des années 90. IAM, c'est pas un groupe que vous entendrez souvent dans l'heure du loup, mais je m'étais dit que j'allais faire une petite exception ce soir, déjà parce que c'est une playlist un petit peu particulière, et ensuite parce que c'est un morceau dans lequel il parodiait gentiment les rockers en général et Renaud en particulier. Voilà. À l'instant, donc c'était IAM, c'était une introduction dans cette playlist Poisson d'avril ce soir dans l'heure du loup. Alors on va continuer avec un classique, là, Coluche, qui lui nous aura fait rire pendant des des années, Coluche, qui faisait pas seulement des sketchs, qui faisait aussi des musiques, des chansons, soit qu'il interprétait, soit qu'il composait. Il en a composé pour d'autres d'ailleurs, mais ce soir, je vous propose un de ses forfaits musicaux, en quelque sorte, dans lequel lui aussi se fout gentiment de la gueule des loubers de la fin des années 70, la génération à Renault en quelque sorte. Et Coluche, justement, qui est interprété sur scène le titre « Je suis un voyou », un grimé en voyou, justement, en blouson noir, avec le perfecto, avec les lumières et avec peut-être quelques grammes d'alcool dans le sang. Allez donc savoir. Donc tout de suite, si le morceau est calé, je vous propose Coluche, « Je suis un voyou ». Que je saute sur la terre dans le grognement lourd des bruits qui s'entrechoquent. De nature solitaire, je me terre pour me taire, mais mon double pervers joue dans un groupe de rap. J'ai quelques mauvais dons d'acrobatie verbale. Quand je suis black et des guerres, tu la douanier Rousseau du graffiti vocal. Je fais des buées, des roues en astiquant mes verres. Fascistas, fascistas, rock'n'roll. Fascistas, fascistas, rock'n'roll. Fascistas, fascistas, rock'n'roll. De la chanson française qui fait blader ses diacours marcher dans sa loose. Ma langue natale est morte dans ses charentaises. Faut d'avoir su swinguer au rythme de son blues. Fascistas, fascistas, rock'n'roll. Fascistas, fascistas, rock'n'roll. Rock'n'roll, rock'n'roll. Et j'ai de la muse qui braque par les qui meugle à chanté en vrai chili. Avec je sors ma Winchester pour mieux cracher mon blues. Oh, mon blues. De délirer sans fin, je dois tout voler, puis mettre avant sa face rouge. Mais si de le défuncter, se saoule avec mon vin et traite leur feu follet, il a au fond des bouches. Fascistas, fascistas, rock'n'roll. Fascistas, fascistas, rock'n'roll. Bienvenue dans notre cirque un peu pervers. Ouais, c'est un peu le thème ce soir. Vous êtes dans l'heure du loup avec une playlist un petit peu inhabituelle, quelque chose pas piqué des hannetons en quelque sorte, avec ces deux morceaux enchaînés notamment et tous ceux qui vont suivre. À l'instant, c'était Jean-Philippe Stiefen avec Vas-y Das Rock'n'Roll et juste avant Coluche avec Je suis un voyou. Hein. Deux monstres sacrés, chacun à leur manière. Et. Les tapis sont un petit peu forts dans mon casque, je sais pas si les auditeurs arrivent à m'entendre du coup, voilà, c'est un peu mieux. Merci les gars, parce que j'ai deux garçons à la régie, c'est un petit peu la fin de la journée pour eux aussi. Donc je disais Stiefen, parce que j'ai deux garçons dans la régie, j'ai aussi deux garçons notamment dans la playlist avec Stiefen et Coluche. Alors Stiefen, lui, avait un humour plus basé sur les jeux de mots, etc. C'était un petit peu plus subtil. Coluche, c'était plutôt franchouillard et dans la situation, mais les deux nous ont quand même beaucoup fait rire, chacun à leur manière. D'autres qui nous font rire aussi souvent, ce sont les groupes de punk, et notamment les groupes de punk français, parce que pour la simple raison qu'on comprend leurs paroles, enfin quand ils hurlent pas trop fort. Et du coup, les groupes de punk, parfois, à la fois dans leur musique très énergique et parfois un peu brouillonne, faut le reconnaître, reprenaient souvent une tradition de texte humoristique qui venait de la chanson française. Et c'est le cas de beaucoup d'entre eux. Je pense au Berruyer Noir, je pense à la Mano Negra, et bien entendu, peut-être des moins connus comme Les Vieilles Salopes. Déjà, rien que le nom, c'est un poème. Et Les Vieilles Salopes qui, à leur manière, ont fait une déclaration d'amour à la police, hein, qui se plaint si régulièrement de n'être pas aimé de la population, hein, à cause de matraques dans l'anus ou de procédures irrégulière. Bah du coup, on va dire ce soir à la police qu'on l'aime avec cette chanson des Vieilles Salopes. Tout de suite, la nuit avec vous. Je me balade paisiblement sur le boulevard, presque sans vêtements, je me balade. blousons. Et les autres quatre côtes, des sortes de poudées et des cheveux décolorés. Oh mes petits jumpons, faisaient de jolies chansons. Et le samedi soir, avec sa guitare, ils jouaient le rock'n'roll. Ah ah ah, je vais t'attraper, je sais que roule mes jambes gondées. Qui a peur du méchant passoire? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Qui a peur du méchant passoire? Et rentrait du parc le samedi soir avec son ami Baba. Oh oh oh, je vais t'attraper, je suis le gros, le méchant condé. Qui a peur du méchant passoire? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Qui a peur du méchant passoire? Tra la la la la. Il ne nous attrapera pas, sûrement pas, sûrement pas. Il ne nous attrapera pas. Tac tac tac. Qui ça? C'est le petit chaperon rouge. Je vais tout casser. Je vais verbaliser. Il y avait trois petits jupons à la queue en tire-bouchon, avec des hommes cacottes, des ceintures bleutées et des cheveux décolorés. Pour sauver leur adversaire, ce qu'ils disaient en courant d'air. Et tous les agents pas du tout contents s'en tournèrent en maugréant. Vous êtes bien dans l'heure du loup, mes chers amis, et ce soir, on parlait des trois petits cochons. Ça semblait assez logique pour une émission qui s'appelle l'heure du loup, mais bon, dans la version de Ludwig von 88 qu'on vient d'écouter à l'instant, ce groupe punk français des années 80 et 90, les trois petits cochons devenaient les trois petits quepons, bien entendu, et dans la même tradition de chansons un petit peu gentiment anarchistes. Juste avant, c'était les vieilles salopes, le groupe avec le titre La nuit avec vous. Hein. C'était en gros une déclaration d'amour aux agents de la force publique. Et voilà, donc c'était l'intermède punk de l'heure du loup à l'instant que vous venez d'écouter. On va aller, on va rester dans la langue française, mais on va passer de l'autre côté du Rhin avec un groupe qui reprenait un titre, un classique de la musique pop française, Laisse tomber les filles. Vous connaissez tous la version de France Gall, mais en l'occurrence, c'est un groupe allemand du début des années 80 qui s'appelait Axama Group and the Honeymoon Killers. Et je vous propose tout de suite la version de Laisse tomber les filles. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour ça connaissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est ça qui pleurera. Oui, je pleurerai, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirai c'est bien fait pour toi, je dirai c'est trop pour toi, je dirai c'est un progrès. Là je s'abandonne, celui qui ne sait que le seul est comme les seuls. sécréter des fluides corporels jusque dans mes trompes de Fallope? Envie d'un coït avec pénétration qui pourrait mener à des contractions périnéales et intravaginales? Tu veux que ton phallus soit serti par le muscle de mon sphincter? Alors envoie par SMS Q, PAC plus 12, au 8 12 12. Ah non, c'est pas tout à fait eux. À l'instant, on vient d'écouter The Misfits. Alors, petite explication. À l'instant, on vient d'écouter un morceau parodique, en fait. Un détournement du titre Where Eagles Dare, que chantaient les Misfits au début des années 80, à l'époque où Glenn Danzig était le chanteur. Et ce groupe avait eu tellement de succès et tellement d'influence sur la scène punk rock américaine que, du coup, ben, y a eu pas mal de groupes parodiques. Alors, il y a eu les Beach Fits. C'était un groupe de filles qui avait repris le logo des Misfits, c'est-à-dire un crâne stylisé. On lui rajoutait un petit nœud rose sur le dessus, c'était tout mignon. Et là, donc, c'était les Misfits. C'était une bande de mecs qui étaient, disons-le clairement, quasi obèses et qui, en attendant, avaient de l'énergie à revendre, c'est loin s'en faut. Et qui, du coup, chacun pesait un bon quintal sur scène et qui réinterprétait les titres des Misfits, mais en modifiant légèrement les paroles. C'était une parodie, vous disais-je. Et donc, là, à l'instant, c'était pas Where Eagles Dare, mais Where Ladies Dare. Donc, quand les femmes osent, ben, par exemple, faire des papouilles avec un mec qui pèse à peu près 120 kilos. Pourquoi pas, après tout, hein, l'amour a ses raisons, que la raison ne connaît pas et les kilos non plus. Et donc, avant les Misfits, donc ce groupe gentiment parodique des Misfits, un groupe de punk rock américain du début des années 80, vous disais-je, c'était une pub. Ouais, parce qu'à Osmose Radio, on n'a pas beaucoup de sous, on est obligé de vous passer des pubs maintenant. Et donc, c'était une pub pour un téléphone rose, hein, mais un petit peu intello, puisqu'on considère que vous êtes des gens intelligents, vous les auditeurs d'Osmose Radio. Et avant tout ça, c'était Axa Marouk and the Honeymoon Killers, Laisse tomber les filles, dans une version un petit peu remaniée. Quelqu'un qui a laissé tomber les filles, eh bien, c'est quelqu'un qui n'en a peut-être jamais eu le goût, et pourquoi pas après tout, hein. Et donc, eh bien, parmi les artistes clairement grande folle, clairement gay, on trouve le pire et le meilleur. Et parfois, dans les trucs un peu what the fuck, comme on dit, les trucs un petit peu vraiment étranges et olé olé qu'on trouve bah, tantôt sur YouTube, tantôt sur Dailymotion, tantôt par hasard ailleurs, eh bien, on trouve parfois des perles. Et moi, j'en veux bah, un garçon qui allait jusqu'au bout de son délire, c'est Pierre Pasquale. C'est bientôt Pâques, donc... Je vous passe un garçon qui s'appelle Pierre Pasquale, mais je vous déconseille d'aller lui mater les œufs. Mais toujours est-il que vous imaginez Conchita Wurst qui ne se serait pas épilé les jambes. Mais voilà, c'est un petit peu le portrait de ce garçon-là. Et Pierre Pasquale qui a des morceaux, donc je vous disais, c'est un peu une grande folle, et pourquoi pas après tout, mais qui a des morceaux qui vont tantôt du côté de Mylène Farmer, tantôt du côté de la house clubbing, de la house music pour les clubs, etc. Et qui a parfois des paroles très très libidineuses, mais qui, à l'écoute desquelles, je ne peux pas m'empêcher de rigoler. Je ne sais pas si ce sera votre cas aussi. Tout de suite, on va écouter Pierre Pasquale avec le titre « J'aime sentir ta bouche glisser ». Yeah.

bien. Alors, est-ce que Nadège, qu'on a entendu tout à l'heure... Ah non, Nadège, j'ai écouté, elle m'a rien excité du tout. Hein. Je suis sûr que c'est un iceberg qu'elle reste dans le réfrigérateur. Alors, peut-être Nathalie. Nathalie, oh, Nathalie non plus. Non, je te jure, elle m'a rien excité, rien du tout. Non, mais j'ai déjà fait mon choix depuis longtemps. Très bien, vas-y. Celle que je veux, c'est toi, hein, super pépin. Hein. Ah, je t'écoute toutes les nuits, tu dis des cochonneries, quand t'aimes les filles, les garçons. Non, non, attends. Je suis sûr qu'on plaît. Écoute-moi, ce n'est que de la radio, je ne suis que la coquine entremetteuse. Oui, mais je vais t'en promettre, la bouguine. Non, je vais te faire imaginez, je vais te monter au 7e ciel, je vais te... Ah, on a perdu Momo, c'est fort dommage. On va prendre tout de suite un autre auditeur en ligne. Oui, allô? Allô? Quelle voix sensuelle à l'appareil. Bonsoir, Super Pipa. Bonsoir, c'est un garçon, c'est quoi ton petit nom? Bah, c'est Momo, hein, t'as qu'il s'est rendu Et Bernard Kouchner, qui s'est rendu une fois de plus en Somalie et qui a déclaré aux Somaliens... Je t'invite chez Max Gerval. Mon patron, il y aura mon patron. Gagel. Et devine qui sera le parrain de mon fils? Non. Et ben ce sera le général von Rimmler, bien sûr. Qui s'est adressé à la foule aryenne en 39 et qui leur a dit cette phrase qui est restée célèbre. La négritude est quelque chose d'essentiel dans ta musique, Joseph. Il faut le préciser. Non, mais tu peux la fermer ta gueule, on peut écouter mon disque. Ouais, mais. On peut faire cette grande gueule. Ouais, mais. Oh, on écoute le disque. Ouais, ton disque tout de suite. Comme David. Comme David. S'agissait de comme d'habitude, sur Radio Villiers-sur-Mer en affaire. Et dans le même genre, on va s'écouter. Un gros David Sporteur qui a fait très peu de monde au Blue Note. Moi, je trouve ça dommage. Oui, mais on écoute, mais c'est dommage. Effectivement, c'est regrettable. Il a fait très peu de monde. Il a fait quoi? Il a fait... 2 morts et 15 blessés à cause d'une malencontreuse faute d'inattention. Désormais, lorsque vous passerez sous un tunnel, n'oubliez pas d'allumer vos... Lumière, lumière, restez la lumière et resterez lumière au travers de la lumière. Et Jérémy se tourna vers l'homme assoiffé et lui dit... Je vais t'arracher le slip avec les dents. Super pipa, tu sais ce que je vais te faire? Je vais t'enfoncer la contrebasse et les 146 dans le... L'univers merveilleux de la radio française, en tout cas de la bande FM à l'instant, parodié par les inconnus dans ce fameux sketch, les radios libres. Et donc, à l'écoute d'Osmose Radio, je sais pas si on soutient la comparaison ou si on vaut mieux. En tout cas, je suis très heureux que vous ayez passé cette heure avec moi ce soir. C'était la playlist parodique de l'heure du lot à l'occasion de mon émission Poisson d'avril à l'instant. Et pour faire bonne mesure, on va se quitter avec un morceau tout aussi décalé. Et ce sera ce soir Renaud, dont on se moquait gentiment en début d'émission. Renaud qui, dans les années 70, se moquait gentiment, là encore, des apprentis racailles. Voilà, c'est le titre Buffalo débile. Osmose Radio prend quelques vacances, on sera pas souvent là au mois d'avril. Au pire, je vous donne rendez-vous au mois de mai. Passez un bon printemps, mes petits loups, passez une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Salut! Passant par les égouts, juste devant ma maison, j'ai creusé un tunnel de 18 mètres de long. J'ai atterri dans la cave d'une laiterie parisienne, j'ai pris 340 bars, un kilo de madeleine. J'ai eu des crampes d'estomac au moins pendant 3 semaines. Je suis le roi des casseurs, je suis le roi des braqueurs. Les journaux parlent pas de moi et c'est ça qui m'écœure. J'ai volé une bagnole qui était même pas à moi. Je voulais aller sur la côte, je me suis retrouvé sur le toit. Les quatre roues en l'air, mon père m'a engueulé, comme si c'était sa bagnole que j'y avais bousillée. D'ailleurs c'était la sienne, je pouvais pas le deviner. Je suis le roi des casse-coups, je suis le roi des filous. Les journaux parlent pas de moi, mais alors pas du tout. Avec un de mes copains, on a voulu détourner un Boeing 707, on n'en a pas trouvé. À la porte d'Orléans, ils veulent pas s'arrêter, on est mal desservi dans ce quartier nom de nom. Alors j'ai détourné la conversation. Je suis le roi des pirates de l'air conditionné. Les journaux parlent pas de moi, mais ça va pas tarder. Un peu plus tard, j'ai fait le hold-up du siècle. À grands coups de burin, j'ai cassé un parc-mètre. L'aubergine intrépide qui a voulu s'y opposer, j'ai dit des mots obscènes, elle s'est mise à pleurer. Y avait que 3 francs 50 dans la caisse fracturée. Je suis le roi des casseurs, je suis le roi des braqueurs. Vous pouvez constater que j'ai déjà dit tout à l'heure. Si je continue à faire des chansons dans ce genre-là, c'est pas demain la veille que les journaux parleront de moi. Ni haine, ni armes, ni violence. Osmose Radio. Osmose. La web radio.